Jean-Baptiste Ndiko Banyanga. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce mardi 31 mai 2022, dont la mise en œuvre est assurée par François Akimana. D'abord, les titres. Début de la passation du concours national pour les classes de 9e année sur tout le territoire national. Et plus de 72 000 candidats passent l'examen sur 920 centres de passation, selon le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique qui a effectué le déplacement à Chombo dans la province de Carous. La mesure d'interrompre l'abattage des vaches, moutons et chèvres dans les provinces de Ngozi et Kirundo. Des conséquences font parler d'elle en province de Kirundo. Certaines personnes ont abandonné carrément du lait, d'autres restent dans la confusion. Le responsable vétérinaire provincial déclare que la consommation du lait n'est pas interdite, sauf lorsqu'une vache a avorté. En cette journée mondiale sans tabac, certains fumeurs habitant la ville de Bujumbura reconnaissent que la cigarette est dangereuse pour la santé humaine. Pour eux, ce ne sont que des mesures interdisant sa production par les industries qui freineraient la consommation du tabac. C'est au moment où, dans la chronique santé de ce mardi, le pneumopédiatre François Ndikungenayo nous parlera des conséquences du tabac sur la santé humaine. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page santé. Plus de 20 élèves du lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega et vivant avec handicap varié sont en train de faire le concours national donnant accès au palier poste fondamental de l'enseignement secondaire au Burundi qui a débuté ce mardi pour se terminer le 2 juin. Le directeur de ce lycée indique que ses élèves travaillent dans leur propre salle et qu'ils bénéficient d'un ajout d'un tiers de temps sur la durée réglementaire des épreuves. Arthur Kavabushi y est passé. Voici son reportage. Au total, ils sont au nombre de 28, dont 2 avec infertilité motrice cérébrale, 9 sourds muets, 8 aveugles et 9 avec handicap physique. Selon le directeur du lycée Notre-Dame de la Sagesse, Abbé Zéphirin Ngendakumana, la nouveauté est que ces élèves passent le concours national dans leur propre salle de classe et qu'ils bénéficient d'un temps supplémentaire d'un tiers de plus que les autres. Ils ont également des interprètes qui savent lire et écrire en braille. Cependant, ce directeur indique que même si ses élèves avec handicap sont en train de faire le concours national, les résultats montrent qu'ils ont une note inférieure par rapport à ceux qui sont bien portants, surtout chez les sourds-muets. Cette année est la 7e que ses élèves avec handicap font le concours national. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci à Arthur Kavabushi. Plus de 10 700 élèves passent le concours national à la mairie de Bujumbura. Information fournie par Fidélité Nibigila, DPI à mairie de Bujumbura. Dans différents centres de passation visités par nos reporters, le constat est que l'examen a commencé à temps, selon certains responsables des centres de passation, malgré quelques irrégularités, notamment l'absence de quelques élèves. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a fait le déplacement à Chombo en province Karoussi pour la circonstance. Il rassure que tout se passe bien, sauf quelques problèmes de déplacement. François Zalimana précise que plus de 72 000 candidats passent cet examen sur 920 centres. Suivez le ministre François Zalimana. Depuis ce matin, nous avons procédé au lancement du concours national édition 2022. Le lancement a eu lieu ici en province de Karoussi et nous constatons que le déroulement se passe très très bien. On a commencé très tôt, donc cela montre que le déroulement se passe très bien. Alors, dans presque toutes les provinces, on a commencé presque aux heures qui étaient prévues et on n'a pratiquement pas connu de problèmes majeurs, mais on a seulement connu de petits problèmes liés aux véhicules qui ont tombé en panne hier lors du déplacement des épreuves vers les provinces. Et nous avons aussi connu un petit problème ce matin ici en province Karoussi où pour un centre, on a eu peu de copies par rapport aux copies qui étaient prévues. L'effectif des élèves qui passent le concours est de 72 313 candidats et nous ne connaissons pas encore l'effectif des élèves qui se sont présentés. Ces effectifs sont en train de passer le concours dans 920 centres de passation et nous avons au total presque 2200 surveillants. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Cap sur Kayanza pour parler justice. 2 ans et 5 ans de prison ferme et une amende de 100 000 francs burundais, telle une peine carcérale requise par le tribunal de grande instance de Kayanza à 11 personnes accusées d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale ce lundi. Les accusés ont plaidé non coupables. Les détails avec Patrick Sengiouf. Ces personnes qui ont été punies hier par le tribunal de grande instance de Kayanza sont de la commune Kabarore, Gahombo et Gatara. Trois sont originaires de la commune Kabarore, attrapés essayant de franchir la frontière rwando-burundaise avec du café cerise et celui parché qui les a cheminés vendre au Rwanda. Une autre est de Gahombo dont chez lui, on y a trouvé 116 kg de café parche. Cette autre, selon Isaac Niongabira, procureur à Kayanza, sont originaires de la colline Kigumezo-Nengoro de la commune Gatara où on y a trouvé à peu près 27 tonnes de café parche. Dans cet ménage, sur 10 où on a effectué une fouille et perquisition le 25 de ce mois. Sur les 7 de Gatala, 2 seulement ont comparu devant le tribunal du moment que 5 autres restent jusqu'aujourd'hui introuvables, ce qui n'a pas empêché le ministère public de les accuser. L'officier du ministère public à Kayanza a accusé toutes ces personnes d'attente au bon fonctionnement de l'économie nationale. Il a alors demandé qu'ils soient punis d'une peine carcérale de prison ferme de 5 ans et une amende de 100 000 chacun, sauf Gatwenza Savé, connu sous le sobriquet de Gasongo, et Tangishak Pascal alias Mudelenganya, dont la punition a été atténuée à une peine de 2 ans et demi et une amende de 100 000 pour cause de l'érage avancé. Le procureur de la République à Kayanza a demandé au tribunal de grande instance de punir ceux qui n'ont pas comparu par une peine de 5 ans de prison et une amende d'un million de nos francs. Les accusés ont plaidé en aveu, mais ont indiqué qu'ils achetaient ce café pour le revendre aux stations de lavage par appel. Après la mise en délivré du procès par le tribunal de grande instance à Kayanza, les accusations du ministère public contre toutes ces personnes ont été jugées fondées. Le tribunal de grande instance à Kayanza a également ordonné que tout ce produit qui a été saisi soit remis à l'office pour le développement du café. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiumba pour ce reportage. Restons toujours dans cette province du nord du pays où les victimes de violences sexuelles gagnent généralement leur procès chaque fois qu'elles bénéficient d'une assistance d'organisation acquise à leur cause. Assurance donnée par Céline Ndaïsaba, directrice provinciale de développement familial et social à Kayanza. Elle explique que sur 20 cas de violence dénoncés dans la province de Kayanza, dès janvier cette année, 6 dossiers accompagnés par ce centre ont été transmis au tribunal de grande instance de Kayanza. Le chef de cabinet du gouverneur, quant à lui, donne l'exemple de trous administratifs à la base. Démis de leur fonction pour s'être initiés dans de telles affaires en déroutant les justiciables reportés. Parlons élevage. À présent, les clients des différents débits de boissons modestes du chef-lieu de la province Ngozi qui consommaient des brochettes de vaches, chèvres et autres s'adonnent aujourd'hui aux brochettes de champignons, viande de lapin et poules. Mais leurs tenanciers disent qu'ils travaillent à perte. car ses clients ne sont pas habitués à ces poules et lapins qui coûtent par ailleurs cher. Ces cabaretiers craignent de ne pas pouvoir payer le loyer. De Ngozi, rendons-nous à Kirundo, où depuis que l'on a commencé à parler d'une maladie infectieuse du bétail en province de Kirundo, certaines personnes ont abandonné carrément du lait, d'autres restent dans la confusion. Le responsable vétérinaire provincial déclare que la consommation du lait n'est pas interdite sauf lorsqu'une vache a avorté, car c'est généralement l'un des signes de la maladie. Il demande également à la population de bien bouillir du lait pour tuer tous les microbes. Le détail avec Abraham Safari. La population de la province de Kirundo, surtout celle résidant au centre urbain de Kirundo, reste dans la confusion en ce qui concerne la consommation du lait de bétail. Certains ont abandonné catégoriquement du lait, d'autres en consomment, mais avec plus d'inquiétude. Tout cela à partir du moment où on a annoncé la maladie infectieuse qui attaque le gros et petit bétail, caractérisé par la fièvre aiguë, le saignement nasal du sang, la perte d'appétit, l'avortement et enfin la mort survient quelquefois. Ici, le responsable provincial vétérinaire à Kirundo a déclaré qu'ils n'ont pas interdit la consommation du lait de vache, sauf de la viande. Toutefois, a-t-il ajouté, il ne faut pas consommer du lait d'une vache qui a avorté, car c'est l'un des signes principaux d'une vache malade de la fièvre du Rift Valley. Il ajoute qu'avant de consommer du lait, il faudra le mettre en état d'ébullition pour tuer tout éventuel de microbes qui se trouveraient là-dedans. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci à Abraham Safari pour tous ces détails. Revenons sur la passation du concours national pour les classes de 9e. Plus de 10 700 élèves passent le concours national en mairie de Bujumbura. Information fournie par Fidélité Nivigira, déployé à mairie de Bujumbura dans différents centres de passation. Visité par nos reporters, le constat est que l'examen a commencé à temps, selon certains responsables des centres de passation. Le détail avec ma consoeur Audrey Akimal. Au nom de la ville de Bujumbura, lycée municipal Kamenge, 179 élèves en provenance de deux écoles passent au concours national. C'est l'été Aïcha qui est présent de ce centre de passation, précise que tous les élèves ont répondu présents pour ce rendez-vous. À l'école secondaire technique Etis Kamenge, 316 élèves en provenance de six écoles passent au concours national. Parmi eux, on signale les six absences, selon Elias Ningabiye, responsable de ce centre. À l'été Kamenge, on a constaté 4 élèves surmués qui passent cet examen. Au centre-ville de Bujumbura, précisément au lycée municipal de Hero, 333 élèves, membres de 10 écoles, font son concours national. Et Jeanne Iragnelete, responsable de ce centre, précise que des élèves se sont absentés pour des raisons inconnues. Au sud, à l'Ekofo Kanyosha 1, 401 élèves de 3 écoles passent au concours. Parmi eux, 6 ont été absents. Le directeur provincial de l'enseignement indique que dans les 3 communes urbaines de Bujumbura, 10 718 est l'effectif total des élèves qui font le concours national édition 2022 dans 41 centres. Fidélité Nibigida précise que dans la commune Moura, il y a 3131 élèves. Dans la commune Mukaza, il y a 2737 au moment où la commune Nahangwa possède l'effectif plus élevé de 5450 élèves. Merci à Audrey Akimana pour tous ces détails. Revenons sur la page santé. Certains fumeurs habitant la ville de Bujumbura reconnaissent que la cigarette est dangereuse pour la santé humaine. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro trouvent que le grand danger est sa disponibilité sur le marché. Pour eux, ce ne sont que des mesures interdisant sa production par les industries qui freineraient la consommation du tabac. Le 31 mai de chaque année, le monde célèbre la journée sans tabac. Suivez ce micro-baladeur de la radio Isanganiro. La cigarette n'est pas bonne pour notre santé. Ce que je peux faire, c'est de l'abandonner définitivement. Et les autres, qu'ils stoppent de fumer, ce serait mieux.